Pourquoi payer 500 euros, 2000 euros, 3000 euros, voire plus à un avocat? Aujourd'hui, je suis avec Cédric, là, qui est Bonjour, avocat bonjour à tous. au barreau de Paris, qui est en même temps mon frère. Donc, il va tout vous expliquer sur l'intérêt, la valeur ajoutée d'avoir un avocat et des fois faire attention à ne pas faire cette économie de 1000, 2000 ou 3000 euros et que ça peut derrière vous causer beaucoup de dommages avec beaucoup d'intérêt financier qui est vraiment très très important. Donc, salut Cédric! Damien, merci de m'inviter, de me recevoir. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ton activité, où tu travailles et qu'est-ce que tu proposes? Et avec grand plaisir. Donc, je m'appelle donc Cédric Lémy, je suis avocat au barreau de Paris, au cabinet Partners in Law. C'est un cabinet que j'ai créé 8 ans après mon installation au barreau de Paris. Je suis entré en cabinet dans les années 2000, en 2001. J'ai créé Partners in Law il y a 10 ans. On a fêté les 10 ans là, au printemps 2018. Pour me présenter de façon tout à fait honnête, je dirais que je suis un poète avocat ou un avocat poète, c'est-à-dire que ma nature profonde, elle est poétique et je suis devenu avocat un petit peu par hasard après des études de droit qui se sont bien passées. Super. Et du coup, est-ce que tu as une spécialité? Est-ce que tu fais de tout? Alors, on fait pas de tout, on fait ce qu'on aime et ce que j'ai toujours aimé, c'est le droit des affaires, le droit patrimonial. Je trouve ça intéressant, les intérêts sont surtout économiques et m'évite d'aller dans des matières qui me plairaient moins, telles que les enlèvements internationaux qui ne sont pas du tout ma tasse de thé. En revanche, en gestion patrimoniale, droit immobilier, on fait beaucoup de droit immobilier et droit des affaires, je suis tout à fait à l'aise et on traite ces questions depuis des années et des années. Ok, donc on est au bon endroit sur la chaîne Esprit Gagnant, puisque nous, on parle d'investissement et d'investissement rentable. Donc ça, c'est cool. Merci à toi. Donc, ouais, la première question que je me pose, clairement, quand je lâche un gros billet, parce que malgré tout, on va pas se mentir, quand on vient voir un avocat, faut lâcher quand même un gros billet, c'est bah, pourquoi je vais venir te voir? Pourquoi on doit aller voir un avocat? J'ai mis quelques années à répondre à cette question. C'est la première question que je me suis moi-même posée en rentrant en cabinet. Je ne comprenais pas ce que je faisais là, et puis pourquoi on venait nous voir. Et j'ai répondu à cette question. En tout cas, c'est une question qui évolue, ma réponse évolue, mais j'en ai conclu qu'un avocat, c'est comme un médecin. Il faut le voir comme un médecin. À savoir que on fait pas de magie. Moi, je fais pas de magie. Et je dirais même que j'applique une sorte de morale. Le droit n'est que de la morale primaire qui a été complexifiée au fil des siècles, des millénaires et des années. Et donc, comportez-vous avec un avocat comme avec un médecin. À savoir que tant que vous pensez ne pas avoir besoin d'un recours au médecin, ben, il faut pas, c'est pas la peine. Et vous pouvez aussi appeler un médecin pour lui poser une question et pas forcément aller le voir et lui demander de vous opérer à cœur ouvert. Un avocat, c'est exactement pareil. Et la première chose, on a pas mal de gens qui sont néophytes, novices, qui nous appellent à la question d'un premier investissement, etc., qui veulent créer telle société, une SCI, notamment qui viennent par le site internet, donc qui n'ont pas vraiment, qui sont pas des gens expérimentés. Et la première chose qu'on essaye de définir, c'est est-ce qu'ils ont besoin de nous? Parfois pas. Parfois, on a un bon contact, on sait que ça nourrira, qu'on aura de la recommandation, etc. Mais parfois, on n'a pas besoin de nous. Donc, pourquoi avoir recours à un avocat? Parce qu'on peut plus, on sent qu'on ne peut plus faire soi-même en dormant sur ses deux oreilles. Donc une première étape, par exemple, à faire, ça peut être d'aller voir un avocat pour une consultation, comme on aurait un audit, comme une séance de coaching individuelle, pour savoir si est-ce que aujourd'hui je suis arrivé dans un état patrimonial de mes investissements, de mon mindset aussi, est-ce que j'ai l'état d'esprit pour entreprendre plus, pour investir plus, qui demande à aller voir un avocat. Hein, j'ai beaucoup de questions sur Damien, est-ce que je monte une SCI, faut-il faire ça, faut-il faire ça? Oh! Quand tu vas faire un investissement, c'est un peu comme dit Cédric, c'est la première, ne grille pas les étapes. La première truc, j'avais quelqu'un dans mon club privé qui me posait la question et je lui disais, tant que tu as zéro revenu locatif, tu ne payes pas d'impôts. Donc avant de te poser la question du choix de ta structure pour savoir si tu vas diminuer ton imposition, trouve la bonne affaire, regarde comment on fait une bonne affaire, comment on va travailler une affaire avec un cash flow positif, net d'impôts, et ensuite, quand tu commenceras à l'avoir, on en a déjà parlé. T'as un délai entre le moment où tu vas trouver le bien, tu vas commencer la négociation et le moment où tu vas réellement signer l'acte, où tu peux de toute façon allez payer une consultation et puis l'avocat sera là pour te donner le meilleur, entre guillemets, le meilleur diagnostic, exactement comme un médecin. C'est vrai que j'aime bien l'image parce que c'est un peu comme un médecin, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour un médecin. Tu vas voir quelqu'un parce que tu es malade, il va te dire « Ah, mais je sais ce que tu as ». Moi, j'aime bien dire « Si c'était si facile, ce ne serait pas 10 ans d'études ». Ben voilà, si l'avocat, d'une certaine manière, c'est quand même des études d'élite, eh ben c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a tendance, nous, à trop vulgariser. Donc, on va en parler un peu plus là parce que j'ai des questions par rapport à ça. Mais on a tendance à un peu trop vulgariser la valeur ajoutée que peut faire l'avocat et puis clairement l'économie qu'on peut faire derrière, c'est de pas aller le voir. Mais ça peut passer du coup par une consultation. Tu fais ça, tu reçois des gens qui ont un besoin juste d'audit, entre guillemets, patrimonial. Je vais te répondre très simplement. Et d'abord, je rebondis sur ce que tu disais avant. Et j'ai beaucoup aimé l'image. Quand tu dis les gens qui s'imaginent faire des montages alors qu'ils n'ont même pas acheté un bien. Nous, c'est pareil. Au cabinet, on a des particuliers et des entreprises. On a des hommes d'affaires, etc. Et alors souvent, j'ai des questions, on me demande des montages fiscaux qui sont hallucinants. Des fois, j'ai des personnes qui n'ont pas encore... qui ont un restaurant, qui veut faire peut-être allez, 500 000, 1 million d'euros, restant raisonnable, qui ne paye pas tant d'impôts que ça, etc. Et il me demande, mais alors est-ce que je devrais faire une holding, éventuellement la mettre dans telle zone fiscalisée, légère? Je lui dis, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que les complications, le coût de ce montage, vous, les complications, les risques que vous prenez, n'ont aucun intérêt au regard de ce que disait Damien, au regard de votre situation. Vous avez une entreprise, pourquoi vous voulez faire une holding? Parce que tout le monde entend qu'il faut une holding. Même à deux entreprises, je suis pas sûr, même à deux fonds, je ne suis pas sûr qu'il faille toujours une holding, on fait une consultation fiscale. Par ailleurs, quand vous avez une entreprise qui dégage 1 million, allez, vous allez peut-être avoir un bénéfice de 300 000, ça dépend des activités, etc. Mais il faut savoir si vous payez un peu d'impôts, c'est normal. Donc, effectivement, on se calme, on retourne toujours à la base. Bon, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez besoin de ça? Par ailleurs, pour répondre à ta question, est-ce qu'on fait des consultations? Oui, mais alors je me suis beaucoup détendu au cours des années. Quand je suis rentré au cabinet, on me disait, Cédric, donc j'ai commencé dans les gros cabinets, ou les cabinets un peu avenue Foch et tout. J'ai rien contre l'avenue Foch, attention. Et on me disait, Cédric, le taux horaire, il est de 300 euros, et une consultation, bah, si tu passes 2 heures, c'est 600 euros. Je me suis beaucoup détendu par rapport à ça. En clair, on est au temps de l'instantanéité. Des fois, on ne rencontre même pas les personnes. Nous, on fait beaucoup de visioconférences pour pas avoir besoin de se déplacer. Vous me posez une question. Si j'ai la réponse, je vous la donne. Et si ça m'est pris 5 minutes, ben, je ne la facture pas. Parce que j'aimerais pas qu'un médecin me facture un diagnostic qu'il a décelé en 30 secondes. En revanche, si vous voulez quelque chose, et vous avez un besoin pour quelque chose d'un peu plus construit, mais que ce n'est pas non plus une consultation de 10 pages, ben, nous, on a un pack. On fait une consultation à 200 euros, 250 euros, ça dépend un peu de la complexité, et on rend la consultation de façon simple, avec une partie simplifiée, une lecture 2-3 minutes, vous avez l'information, et avec les ressources juridiques qu'on a utilisées à côté. Donc évidemment, on répond à des questions, et je dirais même qu'à chaque entrée de dossier, même quand on vient le voir avec un redressement fiscal, par exemple, personne qui a un redressement fiscal, et ben, avant d'ouvrir le dossier, et de dire on prend l'endressement fiscal, on fait une consultation qui sera déduite des honoraires à suivre, hein, mais c'est symbolique, allez, vous allez payer 250 euros, quand je dis symbolique, c'est pas autant que l'ouverture de dossier, et on fait une feuille de route, c'est-à-dire qu'en amont du dossier, on définit, Damien, les faits, vos objectifs et votre stratégie. Et une fois qu'on a fait fait, objectif, stratégie, ben on donne nos préconisations. Ok, donc. Tout ça pour dire que voilà, on peut aller voir un avocat, lui poser des questions. Alors attention Cédric, c'est un avocat un petit peu particulier, c'est pour ça que je tenais à te le présenter. Alors pas juste parce que c'est mon frère, même si ça me fait plaisir d'interviewer mon frère, mais c'est aussi parce que c'est un avocat, j'en ai marre des notaires old school, des avocats old school, des gens parce qu'ils ont un diplôme et parce qu'ils ont soi-disant, ils sont assermentés de je sais pas trop quoi ce qu'ils ont signé, alors c'est 20 ans de réponse, il y en a ras-le-bol de ça. Voilà, je connais Cédric parce qu'en même temps, c'est mon avocat, bien évidemment. Donc, voilà, c'est l'avocat 2.0, 3.0. Et je t'encourage, si tu veux avoir un business, des investissements, si tu veux monter, si tu veux passer à vitesse supérieure dans ce que tu es en train de faire, de t'entourer d'un réseau agile. C'est la même chose avec tes entrepreneurs. Si tu as ton entrepreneur qui ne te répond jamais à tes devis, base-le, lâche-le parce que tes travaux, ça va mal se passer. C'est la même chose avec un avocat. Là, je suis en train de chercher, je suis en train de m'entourer d'un notaire. un petit peu ce que j'appelle moi 2.0, c'est qu'il va me répondre et qu'il ne va pas me faire une réponse par son assistante. Donc voilà, il faut s'entourer de personnes comme ça qui répondent et qui ont compris que des fois, bah, une réponse, si c'est 5 minutes, bah, c'est gratuit. Parce que de toute façon, si tu aimes le service de Cédric ou d'un autre, allez, peu importe, ce n'est pas le problème, bah, tu vas revenir le voir quand tu auras un truc plus gros. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas, pas tout mettre en place alors que ça ne sert à rien. Alors pour la holding, juste pour remonter sur ce que tu disais par rapport... Nous, dans notre cas d'investisseur immobilier rentable, la holding, on se pose effectivement la question parce que c'est l'une des choses importantes, mais on ne va pas faire la vidéo là-dessus. On refera une vidéo à la limite sur cette particularité, si tu veux bien. Bien sûr. Mais voilà, nous, la holding, c'est quelque chose qu'on nourrit et qui est vraiment important. Et quand on a 1 million de chiffre d'affaires avec 300 000 euros, si c'est 300 000 euros de bénéfices, ça commence à être vraiment bien. Mais même, voilà, on préconise des montages en holding pour aller sur une foncière à côté avec une relation voilà, pour limiter un petit peu l'impact fiscal. Maintenant, c'est juste tout ce que tu vois sur Internet. Et je l'adore, à Maurice, à Malte, en Estonie, ils ont raison d'y aller. Par contre, c'est un lifestyle. Est-ce que toi, tu veux ramener? Moi, par exemple, je suis papa, j'ai deux enfants, j'ai une femme. Je kiffe ma vie à Paris. Il y en a plein qui râlent sur Paris. Moi, j'adore ma vie parisienne, à part un peu le soleil, mais j'adore. J'ai pas envie de ramener ma famille à Maurice. Clairement, on va se faire chier à Maurice. Donc, ok, tu veux payer moins d'impôts, mais la vie, je t'ai déjà dit, moi, je veux pas aller au cimetière avec mon corbillard, je veux pas qu'il soit suivi d'un coffre-fort. Je veux profiter de la vie. Fais de l'argent et profiter de la vie. Donc, après, c'est chacun, mais dis-toi qu'il y a le lifestyle de l'expatrié. Il n'est pas forcément si beau que ça. Voilà, il y en a beaucoup, ils n'ont pas forcément de gamins, ils n'ont pas forcément de femmes. Ouais, tu fais le tour du monde. Donc, chacun fait comme il veut. C'est juste pour ouvrir là où Cédric a raison. C'est attention, le fantasme de payer de zéro impôt. En immobilier, on va pouvoir le faire. Hein, et je t'encourage à regarder ma formation meublée en or où je te donne le fait de pas payer d'impôts pendant 9 ans sans faire du Pinel, mais il n'y a pas besoin pour ça de faire de la SCI. Maintenant, on fait ça au fur et à mesure. Il y a des fois où c'est pas possible de le faire, des fois où c'est possible, mais le but, c'est de limiter l'impact fiscal. Maintenant, si tu payes un petit peu d'impôts mais que tu gagnes beaucoup d'argent, bon, dis-toi qu'à l'étranger, tu payes aussi des impôts. C'est juste qu'ils ont des flat tax, bien souvent. Clairement. Alors que nous, on n'y a pas, mais on va y arriver à la flat tax. Alors peut-être pas au même montant, mais on va y arriver. Donc, on se calme. Faites vos investissements, un investissement, deux investissements, trois investissements. Quand tu commenceras à atteindre le patrimoine d'un million avec ta boîte à côté, etc. Et puis, là, il faut peut-être regarder. Pardon Damien, mais je suis bien passé pour le savoir. J'ai vu des drames, c'est-à-dire que des personnes, malheureusement, hein, qui sont allés dans des lieux fiscalisés à fiscaliser réduite pour pas employer des termes tels que paradis fiscaux, etc. Et un beau jour, les lois internationales, comme c'est le cas aujourd'hui, se resserrent et vous vous retrouvez dans une prison dorée. C'est-à-dire que vous allez traiter toute votre vie, mais votre argent que vous pensiez accessible, il n'est plus si accessible que ça. Ça devient compliqué. Et là, c'est des gros ennuis parce que vous avez pris des risques tout au long de votre vie, vous avez payé des conseils, etc., pour faire des choses un peu exotiques, mais qui, en définitive, comme tu le disais, ne servait à rien, en fait. Alors après, voilà, ça dépend, on va pas faire... ça serait beaucoup plus long, parce que, voilà, si tu veux sortir et aller vivre à Maurice, faut juste te dire que potentiellement, à un moment, tout l'argent qui est à Maurice devra rester à Maurice. J'y vais en vacances, hein, ouais. Parce qu'il y a des conventions, voilà, il peut y avoir des conventions entre les pays, etc. Mais bref, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste cool, mettez chaque chose les unes après les autres, on écoute, et puis on applique ensuite par rapport à son jugement personnel. Moi, j'ai une question sur les statuts, par exemple, d'une SCI ou plein de choses qu'on peut trouver sur Internet. J'ai l'impression que des mentions légales, des conditions générales de vente, pour aller un peu plus loin, si j'ai des entrepreneurs là, qui m'écoutent, il y a plein de choses où tu peux pratiquement générer tes statuts, générer tes mentions légales. Bien sûr. Donc, de quoi faut se méfier par rapport à ça quand tu es sur Internet et quelle est la valeur ajoutée réellement de l'avocat qui va te produire de tels statuts ou des mentions légales? Alors, je vais te répondre. Déjà, je ne parlerai pas de méfiance, mais je parlerai d'amour. Dans la vie, il faut se comporter avec amour plus qu'avec méfiance. Et puis, vous pouvez aller sur Internet et apprendre plein de choses. Moi, j'adore ça. Maintenant, le problème principal d'Internet, c'est on va encore comparer à la médecine. Sur Internet, tu vas trouver un diagnostic. Tu vas trouver des bistouris. Tu vas trouver tout ce qu'il faut pour pratiquer une opération. Mais ça va. Si tu veux, tout le matériel est là, mais l'esprit n'est pas là pour pratiquer l'opération. Et en droit, c'est exactement pareil. Moi, en tant qu'avocat, je ne vends pas du papier ou des statuts. Je ne suis pas un papetier. Je ne suis pas non plus un fournisseur de documents, je ne suis pas un documentaliste, on vend du service. J'ai écrit un blog il y a quelques temps, il y a quelques mois, sur les faux avocats sur Internet. Et là où ça devient, là il faut faire attention et je te rejoins, il faut se méfier, c'est que vous avez des sites qui vous disent qu'avec le mot avocat, il n'y a aucun avocat derrière. c'est des sites où il n'y a pas d'avocat derrière ou qui vous génèrent des statuts. Évidemment, les prix sont intéressants, il n'y a pas d'avocat derrière. La valeur ajoutée, elle est nulle, elle est plus que nulle, elle est négative, parce que vous pensez être protégé, vous ne l'êtes pas. Quand on va voir un avocat pour avoir du service, pour avoir son expertise. En un clin d'œil sur un problème fiscal, je sais vous répondre par rapport à un feedback de 15 ans d'expérience. Donc, je vais vous dire, mais ne m'achetez même pas les statuts, ça sert à rien. Enfin, ce n'est pas le problème des statuts. Le problème, c'est de savoir ce qu'on met dedans. Est-ce qu'on met une clause de renonciation parce qu'on est marié sur la ligne de la communauté? Je vous assure, nous, on forme souvent des jeunes gens au cabinet, des stagiaires, des élèves avocats ou des jeunes collaborateurs. Quand ils sortent de l'école, et c'était pareil pour moi il y a quelques années, hein, après un bac plus 5 ou un bac plus 6, vous les mettez face à des formulaires de notre documentation au cabinet, vous avez 20 000 options possibles, ils ne savent pas sortir un acte avant un an, 2 ans de formation. Donc, en gros, c'est un métier, mais c'est exactement pareil sur l'investissement immobilier quand je te fais une vidéo sur investir sans apport. Oui, c'est possible, mais c'est vrai que ça reste généraliste. Et après, il y a besoin de savoir, toi, tes connaissances que tu as par rapport à ça pour savoir si oui, tu vas investir sans apport, s'il faut que tu mettes un apport, etc. Là, c'est la même chose. Tu vas aller voir des sites sur Internet. Alors, tu fais bien de le dire parce que pour moi, par exemple, c'est vrai que je vois pas mal de sites, je sais pas pour vous. Où j'ai l'impression que c'est des avocats quand même qui sont derrière, mais juste qui ont fait des templates, donc des modèles de statuts et que tu peux télécharger. Je savais même pas que c'était pas des avocats qui étaient derrière ces sites-là. Donc, C'est-à-dire concrètement, très simplement, sur un site d'avocat, il y a marqué le nom de l'avocat, qui est avocat, le nom du cabinet, il y a marqué avocat, il n'y a pas marqué. Les sites où il n'y a pas d'avocat, ils mettent pas aussi. Ils disent des avocats nous accompagnent, mais ils disent pas je suis avocat parce qu'ils n'ont pas le droit, ce serait une usurpation d'un titre public. Donc il suffit de voir, nous c'est simple, sur notre site on nous appelle, on peut nous faire un WhatsApp et l'avocat vous rappelle tout de suite. Maintenant, si vous avez. Vous ne pouvez pas joindre un avocat ou alors qu'il faut passer par un devis un peu bizarre et tout, c'est comme dans la vie. Ce qui n'est pas simple, quand c'est pas simple, c'est qu'il y a une difficulté. C'est vrai. Donc, il y a nous, les avocats, on commence à faire des sites de très grande qualité, mais on voit la différence entre un site d'avocat et un site qui serait un peu dans le. Un site un peu Amazon ou. C'est plus dans le marketing que dans le côté contenu. Bah, c'est surtout qu'il n'y a pas d'avocat en fait. D'accord. Je ne veux pas donner de nom, mais Non, non, le but, c'est pas. c'est des startups qui se mettent sur ce marché parce que en faisant de la quantité, ils peuvent faire des sous. Mais ils ne vendent pas de l'avocat. Après, voilà, tu te lances, tu fais t'as ton règlement à faire pour ta location courte durée. Tu trouves un site où c'est 100 euros. À la limite, pour les premiers mois, le temps de te lancer, de faire un peu de trésorerie, prends-le. Ça t'assure au moins d'avoir quelque chose. Tu as 95% des clients qui vont être contents d'avoir un document et qui vont être satisfaits de ça. Par contre, dis-toi juste que très vite, c'est plus intéressant d'aller consolider, d'aller confirmer que ce que tu écris dans ton règlement intérieur, ce que tu écris dans tes conditions générales, etc. Sont vraiment corrects, d'aller faire valider ça. Maintenant, si tu n'as pas l'argent réellement, au début, ben, ça peut être un premier point pour te lancer et quelques mois plus tard, tu te payes l'avocat. Mais si dans ton état d'esprit, dans ton mindset, tu n'es pas prêt à investir sur toi, et investir sur toi, c'est aussi te protéger toi. Donc si tu n'es pas prêt à investir sur toi, dans des formations, j'en ai plein qui me posent des questions et derrière qui me disent j'ai pas l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent pour t'investir sur toi, oublie de faire un investissement immobilier, tu n'y arriveras pas. Parce que si tu n'as pas d'argent à sortir, à un moment, tu seras obligé d'en sortir. Et se protéger, c'est aussi un investissement sur soi, parce que du coup, c'est aussi être bienveillant envers soi-même. Et la première personne qu'il faut protéger, c'est toi. Et derrière, en plus, tu n'es pas tout seul. Moi, je sais que quand j'engage un investissement immobilier, je ne suis pas tout seul derrière. J'ai mes enfants, j'ai ma femme. Je n'ai pas envie de mettre les gens en galère. Donc, je veux faire des choses rentables et sécurisées. Et un avocat, c'est vrai que ça va te permettre. Alors, on va payer quoi? Je ne sais pas combien on va payer, ce n'est pas le sujet de la réunion, mais. On va payer 1 000, 2 000 euros Mais et à la fin ça va durer de toute façon pour des années et des années donc. moins que ça. Ou, oui. Aujourd'hui, il y a parfois, on va faire des actes, enfin des statuts pour 250 ou 500. En vérité, ce n'est pas le prix qui est important. C'est le contact qu'on a avec l'avocat, qui est comme un médecin, et ensuite la façon dont il va définir vos besoins. Et ensuite, le prix se dessine. Mais Mais ce n'est par pas une rapport à fatalité. l'achat, ce C'est pas une qui. fatalité de tout de suite mettre 3 euros. Il y a beaucoup de clients, alors on a aussi des clients en abonnement, qui payent 100 euros ou 150 euros par mois ou 200 euros par mois, c'est quand ils ont des entreprises, etc. Mais ils payent moins, en tout cas, de 1 000 euros à chaque fois. D'accord. Hein, on est vraiment sorti de ce modèle parce qu'on est dans un modèle plus de flux avec le conseil. Les gens veulent vous appeler quand ils en ont envie, etc. Et aujourd'hui, on est aussi dans une logique de réactivité. Donc, on va pas passer 2 mois sur un dossier. Du coup, on va être plus rapide, on va prendre moins d'honoraires. Mais c'est même pas le, c'est même pas, c'est pas, l'idée, c'est plus dans quelle philosophie est votre cabinet d'avocat, dans quelle philosophie vous êtes. Si ça correspond, on fonce. Sinon, bah, on cherche un autre partenaire. Ouais, on voit ça vraiment, du coup, c'est vraiment un autre état d'esprit, un autre mindset d'avocat qui est vraiment intéressant. C'est voilà, c'est plus l'avocat old school et c'est ça que j'apprécie. Il y en a plein comme ça parce que je pense que c'est comme les agents immobiliers. À un moment, il y a des métiers, si tu les réformes pas, tu es mort. Des avocats, il y en a plein, malgré tout, il y a une énorme quand même concurrence. Tu en as qui sont au SMIC hein, en avocat. À un moment, si tu bouges pas, tu te remets pas en question dans ton métier. Hein. Et on a le problème avec les agents immobiliers qui se remettent pas en question et à un moment, ils vont avoir un souci s'ils se remettent pas en question dans leur Mais métier. évidemment. Et puis il y a même aujourd'hui aussi une mentalité qui dit bon, il faut travailler, mais il faut aimer ce qu'on fait, il faut être bien dans sa tête. Et donc quand on pratique de façon aussi plus cool et en accord avec sa nature, bah, on est aussi plus épanoui. Et c'est pour ça que les avocats aujourd'hui, je pense, hein, sont globalement plus détendus, moins de code. Vous voyez aujourd'hui, bon, j'ai une chemise corporate par délicatesse pour mes clients, je viens pas en t-shirt, je pourrais, mais c'est pas le cas. Et aujourd'hui, j'ai pas mis de costume, j'ai mis un beau jean corporate que m'a choisi mon épouse avec de belles chaussures. Bon, les codes ont changé. On voit bien, les codes changent, ton banquier va te recevoir sans cravate. Voilà, heureusement, ça change. Bon, une dernière question parce que je ne suis même pas sûr forcément de la réponse, tu vois, c'est qu'est-ce qu'on peut signer comme acte de vente chez le notaire, chez le, pardon, bah, tu vois, le lapsus révélateur chez l'avocat? Alors, très bonne question, mon cher Damien, très bonne question. On peut signer tout un tas d'actes. On a eu sous la présidence Sarkozy la création de l'acte électronique d'avocat qui nous permet d'avoir une date certaine. On fait des signatures électroniques avec date certaine enregistrées par le Conseil national des barreaux. Bref, on arrive pas et on a gagné ça par rapport aux notaires parce que eux ils ont une date certaine où il fallait qu'on enregistre. C'est pas grave. Mais maintenant avec ce système de clés sécurisées informatiques, on a la date et l'heure même. La seule différence, on peut tout signer chez l'avocat. La seule limite, c'est encore, combien de temps je ne sais pas, le monopole des notaires pour vendre un bien immobilier qui ne serait pas en SCI. En clair, un avocat peut faire, si vous achetez un bien immobilier qui est en SCI, vous pouvez racheter la SCI, là l'avocat fait les cessions de parts. Mais si le bien, il est cédé nu, vous êtes obligé de passer par un notaire. Mais là où les clients évoluent et aussi les mentalités évoluent, c'est que parfois, tu sais, je vais peut-être apprendre quelque chose. Depuis 2011, les avocats peuvent être mandataires en transaction immobilière. On a la carte T, entre guillemets. C'est inclus dans le package avocat. Moi, donc j'ai fait une déclaration et je peux prendre un mandat de recherche de demande immobilière. Dans ce cadre-là, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est le notaire, quand on trouve le deal, c'est le notaire qui rédige l'acte de vente, mais en revanche, l'avocat assiste son client. Donc le notaire rédige, mais c'est l'avocat qui va négocier les termes de l'acte, parce que c'est un acte juridique qu'on maîtrise parfaitement aussi, et qui va rester son client jusqu'au bout de l'opération. On fera une vidéo, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Hein. Et si tu as des questions d'ailleurs à poser à Cédric, on fera des vidéos régulièrement et des lives aussi avec Cédric pour faire des séances de questions-réponses. Et ce point-là, il est très intéressant parce qu'il y a une partie, une niche dans l'immobilier sur la vente aux enchères. Et par exemple, quand Ah, tu ça, fais une c'est vente aux intéressant. enchères, il faut être forcément, il faut, Commencer par un tu peux pas avocat. le faire directement, tu es obligé de passer par un avocat. Donc, on fera une thématique là-dessus parce que la vente aux enchères, il y a aussi le mythe, le fantasme et les pièges par rapport à tous les coûts indirects qui ne sont pas réellement dans le prix affiché. Mais bah, c'est un autre sujet. Mais effectivement, on peut passer par un avocat. Ouais, l'échange de SCI, alors ça aussi tout un sujet, mais on en fera aussi une vidéo sur l'échange. J'ai eu ça une fois. On me proposait de racheter la SCI et ça peut être piégeux, ça peut être bien. Donc, à la limite, je te proposerai de te recevoir une nouvelle fois et on fera les avantages et les inconvénients de racheter une SCI parce que souvent, acheter une SCI, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, elle va sûrement avoir un avantage au niveau de la plus-value, je pense. Et du coup, elle est intéressée, elle va largement baisser son prix. À part que moi, par exemple, là-dessus, j'ai plein de questions. Donc, on se fera C'est un vrai une sujet, session ça. là-dessus parce que clairement, ça a un impact au niveau de la plus-value principalement. Et c'est vraiment intéressant. J'ai eu ce sujet il n'y a pas longtemps sur un immeuble et je suis pas allé juste parce que j'ai trouvé que, à titre d'info, là, tout d'un coup, quand j'ai dit mais la SCI, là, l'agent immobilier, il a divisé, il a éclaté le prix, quoi. Donc je me suis dit derrière, sans que rien que je lui demande, il est que t'as fait prise, c'est qu'il y a un loup dans la SCI parce que tu rachètes quand même une société d'une certaine manière, quoi. Bah, c'est sûr, avec un passif, un actif. Et un passif, un actif, donc des potentielles dettes à rembourser. Donc voilà, merci en tout cas, c'est vrai qu'on arrive à la fin de cette interview, mais on va faire une série, donc mets-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, on va faire une série d'interviews et des lives avec Cédric pour répondre à toutes nos questions, parce que bah, c'était juste une introduction sur l'avocat. L'avocat, il a plein de casquettes différentes et c'est intéressant d'aller voir tout ça et de savoir voilà, qu'une simple consultation, des fois, peut t'orienter pour te dire « Attends, fais ce que tu as à faire, reviens me voir dans 2 ans et là, on va travailler ensemble tranquillement. » Clairement, de la même façon qu'un médecin vous dirait, vous allez vers un médecin pour vous faire opérer du genou parce que vous êtes persuadé que vous devez vous faire opérer. Et puis le spécialiste vous dit, bon, écoutez, vous n'avez pas besoin d'opération du genou, vous avez juste une petite tendinite, mettez un peu de camol et ça ira mieux. C'est un petit peu ça. J'aime bien l'image, c'est vraiment ça. En tout cas, pour te remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, j'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger gratuitement, tu trouveras le lien dans la vidéo, au-dessous ou au-dessus de la vidéo, tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros like, n'hésite pas à la partager à des investisseurs, à tes potes investisseurs qui ont envie de savoir un peu comment ça se passe. Moi, mon objectif, c'est assez simple, c'est de faire connaître Esprit Gagnant et de me classer numéro 1 sur les moteurs de recherche et numéro 1 sur YouTube. Donc, je compte sur toi pour m'y aider. Je te dis à très bientôt. Merci Cédric. Merci Damien. Merci à vous. Et ciao, ciao.